liberté contre fatalité, l'histoire et le récit de tous ces conflits depuis que le monde est créé. As-tu peiné sans pognon dans des villes champignons, ou as-tu depuis petit baigné dans des millions avant à coup de coude Robin des Bois régner sur Sherwood? Aujourd'hui clic boum, place au film d'Hollywood. En Afrique, cette colonie, la guerre regagne, v'là les bombes. Un blues en pleine brousse que la misère accompagne. Sur des tombes, certains sabreront le champagne. Nos grand-mères en pagne, dans leur chambre donne ces gens qui soignent. C'est le monde et sa justice, les vies vouées au sacrifice. Tandis que meurent les fils, j'entends des mères pleurer. Et j'entends des mères pleurer. Les droits civiques et le droit des gens. Sois le plus fort et l'unique tactique de tous les temps. Pour un bout de terrain, depuis les premiers matins, entre deux voisins, le besoin de suprématie survient. Encore des booms, des bruits de balles, des bunkers, des tanks. Et voilà l'armée, mais l'homme est-il capable d'aimer? Le tyran et le mauvais vont à la guerre autant que le bon. Et souvent, le mauvais va mieux la faire que le bon. Comme le football a ses terrains pour la guerre, la terre est le sien. Quand l'homme devient le malin, les colombes disparaissent. Quand toutes les peurs prennent fin, les sentiments ils délaissent. Hiroshima, Rwanda, Congo, Algérie, Israël, Palestine, religion, race, région, le pouvoir et l'ethnie. Nucléaire, guerre, colère, misère, camp de réfugiés. Marre de voir des mares de sang, marre de voir des mères pleurer.